Les Alouettes de Montréal sont à Winnipeg ce soir. Les Bombers qui c'est un match extrêmement important pour les deux formations. Un match qui est prenable cependant. On en parle avec notre collaborateur Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, évidemment, c'est un match prenable avec Johnny Football. Je vais te poser une question que j'ai vue à quelque part cette semaine. Je sais pas si c'était sur le site d'RDS. On me demandait, est-ce que la sortie de Johnny Manziel, est-ce que ça a joué dans la tête d'Anthony Pitkin? Ça a-tu pu y jouer? Écoute, si ça joue dans la tête d'Anthony Pipkins, ben c'est la bonne raison pourquoi ça ne devrait pas être notre corps partant, parce qu'un corps arrière doit être beaucoup plus solide entre les deux oreilles qu'une sortie comme ça de médias, là, au football professionnel. Il y a des choses bien plus déstabilisantes qu'un corps arrière qui dit qu'il devrait être le partant ou pas. Donc, si Antonio Pipkins s'est fait ébranler par une sortie médiatique de même, ben c'est pas ça devrait pas être le carré partant. OK. Donc, comment tu vois ça en fin de semaine? Écoute, ça va être Chris Taylor qui va être au poste de quart. Donc, Chris Taylor qui, à quelque part, on se rappelle ce qu'il a fait contre les Alouettes, c'était incroyable, là, en début de saison. Donc, du côté de Winnipeg, ils ont quatre défaites consécutives. Eux autres doivent gagner parce que, tu sais, il y a une course au croisement. Saskatchewan va bien. BC va bien également. Donc, ça s'est replacé aussi. Là, Winnipeg affronte les Alouettes ce soir. Donc, eux, à Winnipeg, ils doivent espérer une victoire. Winnipeg doivent espérer une victoire, effectivement, et les Alouettes se doivent de gagner également. Sinon, là, on commence à être mathématiquement, ça commence à être plus serré au niveau de la possibilité de faire les séries, malgré qu'il n'y a jamais rien d'impossible, là, encore. Tant que la formule mathématique marche, qu'il y a tout le temps une chance, on reste en vie, mais avec une défaite de ce soir, les Alouettes, là, ça s'en viendrait plus que difficile. Fait que ça va être intéressant de voir comment on va sortir. Là, moi, ce que je trouve vraiment intéressant ce soir, c'est après la sortie médiatique dont tu parlais de Johnny Manziel, il se doit de répondre. Il peut pas sortir une performance ordinaire, là, Johnny Manziel, là. Il doit être à son meilleur. Puis moi, je suis convaincu qu'on va avoir le droit à de Johnny Manziel Show, là. On va avoir un gars qui. C'est un combattant, Johnny Manziel. C'est un compétiteur. Et puis, c'est pas un gars qui est faible entre les deux oreilles. Lui, ses problématiques, ça a été des décisions, des mauvaises décisions hors terrain qui l'ont amené à ses échecs multiples au niveau professionnel. C'est vrai que quand il y a eu des opportunités dans la NFL sur le terrain, il n'a pas nécessairement été grandiose, mais c'est un carrière qui va donner tout ce qu'il y a en dedans pour gagner. Puis ça, je suis convaincu, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, je suis bien content de le revoir au poste de quart comme partant. Penses-tu que s'il n'aurait pas manqué 3 jours la semaine passée, que c'est lui qui aurait été qu'on l'aurait remplacé? Je pense pas. Non? Je pense pas parce que je pense que les Alouettes sont tellement dans une situation serrée au niveau des victoires que ça aurait été difficile de sortir Pepkin qui venait de gagner deux matchs de suite. Puis, tu sais, ils se retrouvaient dans une situation vraiment ambiguë et puis ils ont voulu la jouer comme safe, là, si on veut, en disant ben on va prendre le corps qui gagne. Mais quand on évaluait tout, on se rendait compte que c'était la défense qui permettait de gagner les matchs là, dans les dernières semaines. Et encore une fois, contre BC, c'est la défensive qui nous a tenus dans le match. Parce que si tu regardes contre BC, avant qu'Antonio Pipkin donne 14 points à l'autre équipe, on était dans le match et tout ça grâce à la défensive. Donc, on menait même après le troisième quart, on menait 14 à 13. Mais, tu sais, on a donné 19 points au quatrième quart. C'est sur les 19 points, c'est trois interceptions d'Antonio Pipkin. Donc, ça peut pas arriver, ça. Puis, c'est ça, là, c'est comme on peut le laisser voir au sens figuré, le carrosse de prince qui s'est transformé en citrouille, là, tu sais. Ouais. Antonio Pepkin, qui était un conte de fées, est redevenu à la réalité, là. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Donc, ça va avoir lieu ce soir à Winnipeg. Si on parlait maintenant des autres matchs, il y a quand même des matchs intéressants. Dans le temps, j'avais Olivier Poulin, qui était comme qui était mon qui, avec Tari, qui était mon collaborateur pour les Alouettes. Et lui, j'y demandais, c'est pas possible d'avoir comme la NFL, un match à 1 h, un match à 4 h, un match à 7 h. Il dit non, il dit c'est pas possible. Puis là, finalement, il y a 3 matchs. Ça devrait pas être concentré, ça, Pascal, sur une journée. Écoute, tu sais, il devrait, ça serait. C'est parce que le marché, il n'est pas assez puissant au niveau de la CFL pour y aller de la façon dont tu parles, comme dans la NFL. OK. Chaque marché, par rapport aux villes puis aux matchs, il essaie de cibler ce qui va être le plus intéressant par région. C'est trop fragile au niveau de la CFL de dire, hey, c'est ça, c'est ça, puis. T'sais, arrangez-vous pour être là, téléspectateurs. T'sais, dans l'NFL, c'est de même. Tu as un match le jeudi soir, tu as un match le lundi. Ils ont ajouté le jeudi dans les dernières années. Mais t'sais, puis dans l'NFL, il y a tellement de fans que peu importe, on va être là et on va le regarder. T'sais, ils peuvent même se permettre des games à Londres à 9 h le matin. Puis ils savent qu'il va y avoir du monde qui va les regarder. Tandis que dans la CFL, il faut qu'il aille au rythme des codes d'écoute et au rythme de vie de chaque match-up, là, si tu me permets. Puis je pense que c'est ça. Mais effectivement, moi, je fais partie de la catégorie des gens qui aimeraient bien ça, qu'on ait des matchs cidulés, que c'est à cette heure-là, puis tu te poses pas. Là, tu sais, moi, malgré le fait que je suis un grand fan de foot, je regarde tout le temps mon application à partir du mercredi. Hey, y a-t-il une game donc jeudi? Y a-t-il une game Ben vendredi? Y a-t-il une game? Tu sais, je ne le sais jamais. Puis tu te ramasses avec des games de samedi à 7 h, quand tu ne le savais pas, puis une à 10 h le non, soir. Fait que, tu sais, effectivement, là, ben, je pense que ils Ben, n'ont moi, pas je le trouve que choix, là, dans un sens. ce serait quelque chose de très intéressant parce que là, tu te poses même pas de questions. Il y a un match à 1 h, un match à 4 h, un match à 7 h et un match à 10 h. C'est ça. Moi, je pense que ce serait quelque chose de. Lui, il me disait non, finalement, il pouvait pas, mais en tout cas, c'est. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, là, c'est que les matchs de la CFL le jeudi puis le vendredi. Tu OK. mets tes 4 matchs jeudi, vendredi, puis là, tu as ton NCAA le samedi, puis tu as NFL le Ouais. dimanche, puis là, tu as du football, là. Tu recommences à vivre le jeudi, là. Ah ouais, ça pourrait être Puis quelque chose. tu prends congé du mardi, le mardi, mercredi. Ah, regarde, non, mais c'est parce que, tu sais, là, ils ont stabilisé ça un peu, parce qu'avant, je me rappelle très bien, avant, c'était le mardi, il y avait des matchs le mardi en début de saison, le match, tu sais, c'était n'importe quoi, l'horaire, tu Mais sais. tu sais, moi, dans mes années, comme tu dis, c'était le même, là, où on pouvait jouer les mardis, des fois les mercredis, des fois le dimanche. Ouais. Puis de la façon que ça marche, c'est qu'on est payé à la game, hein. Tu as un contrat. Puis, exemple, si tu gagnes, pour faire un chiffre rond, là, mais mettons que tu gagnes 180 000 dans ton année, tu as 18 matchs, ben c'est 180 000 divisé par 18, donc tu as 10 000 dollars par game, exemple. OK, là j'ai mis un gros contrat, là, on s'entend. Fait que là, si tu jouais le mardi, puis que tu rejouais le samedi, t'avais deux chèques dans la semaine, tu sais. Donc, il y en a qui. C'est là que tu voyais ceux qui avaient la maturité pour recevoir ces montants-là. Parce que si tu avais un bye week, tu n'avais pas de chèque. Fait que c'est sûr que c'est ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que ça c'était particulier, tu sais. C'est pas comme si tu une paye à tous les jeudis, là, ou à tous les deux jeudis. Une équipe qui doit commencer à gagner, c'est Toronto. Ah, mais là, ouais, Toronto. Ben, Ottawa. Toronto sont dans la même situation que les Alouettes, mais avec un match d'avance. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que Toronto, on dit, ah, c'est pas grave, tu sais, ils sont bien dirigés, C'est vrai Moi, non, encore. là, Mais là, on voit les lacunes. On dirait qu'on voit Jim Pop reprendre ses vieilles manies avec les Alouettes, tu sais, dans ses décisions. Tu sais, on dirait que Jim Pop, quand il est arrivé à Toronto l'an passé, il avait repris sa fougue de dire, hey, il va montrer à tout le monde que j'étais pas fini. Puis ce qui est arrivé avec les Alouettes, c'est pas de ma faute à moi, c'est eux autres. Puis comme de fait, ça a marché, tu sais. Il a fait des bonnes affaires, puis il a même amené son club jusqu'à la Coupe Grey, puis pour la gagner. Puis finalement, cette année, c'est très difficile du côté des Argonauts. Puis on pourrait bien blâmer ça. On pourrait bien blâmer ça sur le carrière, les blessures, mais Non, je non. pense que toutes les équipes. C'est très, très, très difficile. Pascal, un gros, gros merci. On se reparle vendredi prochain. Excellent, Dan. C'est le commentaire de Pascal Masson.